Miaou à votre part. Miaou à votre part. Romantique, néfaste paysage. Romantique, néfaste paysage. Miaou à votre part. Oh là là, j'ai comme bien. Ah là là là.